chanter pour effacer une larme dans tes yeux qui me désarme. Moi je chante pour allumer cette flamme dans ton beau regard de femme. Moi je chante pour cette passion gourmande, ces folies qui nous attendent. Moi je chante. Je chante quand la pluie se fait caresse, que l'espoir devient promesse. Moi je chante pour cet amour que peut-être nous allons bientôt connaître. Moi je chante pour ce nom que je t'ai donné quand le monde m'abandonne. Moi je chante. Je chante. Oui, c'est pour toi que je chante, toi qui m'as donné la chance d'entrer dans ton existence. Je chante, oui, c'est pour toi que je chante. Tout ce refrain que j'inventais, toi que je ne connais pas. J'ai chanté quand l'état met à la fête, que mon cœur devient poète. Moi je chantais même si le ciel se voilait en effaçant les étoiles. Moi je chantais. Si un flocon de neige vient me voler mes arpèges, moi je chante. Je chante. Si le vent dans un murmure vient me parler d'aventure, moi je chante. Si la nuit se fait complice d'un désir ou d'un caprice, moi je chante. Pour te dire que je t'aime, pour mon passé, ma bohème, moi je chante. Je chante. Oui, c'est pour toi que je chante, toi qui m'as donné la chance d'entrer dans ton existence. Je chante, oui, c'est pour toi que je chante, toi qui m'as donné la chance d'entrer dans ton existence. Je chante, oui, c'est pour toi que je chante. Madonna la chance.